Chapitre 2e. Peu de jours après l'entrée de la Señora Dolores Salcedo dans la maison de Sainte Rosalie, et alors que le jour touchait à sa fin, deux hommes s'acheminaient lentement le long du boulevard de l'hôpital, un des endroits les plus déserts de Paris. Le plus jeune de ces deux personnages semblait avoir 25 à 30 ans. Sa figure était ouverte et résolue, son teint hâlé, sa taille haute et robuste, sa démarche décidée, sa mise simple et d'une sévérité militaire. Son compagnon, beaucoup plus petit, mais singulièrement trapu et carré, paraissait âgé de 45 ans environ et offrait le type du matelot, type maintenant familier aux yeux des Parisiens. Un chapeau ciré, très bas de forme, à large bord, placé fort en arrière sur la grosse tête de ce personnage, découvrait son front orné de 5 ou 6 tire-bouchons ou accroche-cœur assez longs, tandis que le restant de sa chevelure était coupé très ras. Cette coiffure, dite à la matelot, avait, si nos souvenirs sont fidèles, beaucoup de succès vers 1825 parmi les équipages de ligne du port de Brest. Une chemise blanche à collet bleu liseré de rouge et rabattue sur ses larges épaules laissait voir le cou de taureau de notre matelot, dont la peau était tannée comme du parchemin couleur de brique. Une veste ronde en drap bleu, à boutons timbrés d'une ancre, et un large pantalon serré aux hanches par une ceinture de laine rouge complétaient l'habillement de notre homme. Des favoris en collier, d'un brun nuancé de fauve, encadraient sa face carrée, à la fois débonnaire et décidée. Un observateur superficiel aurait pu croire la joue gauche du marin considérablement fluxionnée. Mais grâce à un examen plus attentif, on devinait qu'une chique énorme causait cette tuméfaction passagère. Ajoutons enfin que le matelot portait sur son dos un sac dont le contenu semblait assez volumineux. Ces deux personnages venaient d'arriver devant de hautes murailles entourant un jardin. On distinguait à peine la cime des arbres, car la nuit était presque complètement venue. Le jeune homme dit à son compagnon, en s'arrêtant comme pour s'orienter, « Sans plume, écoute. »« Plaît-il, capitaine ?» dit l'homme à la chique, en répondant à ce singulier surnom. « Je ne me trompe pas, c'est bien ici. »« Oui, capitaine, c'est dans les atterrages de ces deux gros arbres. » »« Voilà l'endroit où la muraille est un peu avariée. Je l'ai remarqué hier soir à la brune, quand nous avons ramassé la pierre et la lettre. »« C'est juste. Allons, l'est, mon vieux gabier. » dit le capitaine à son matelot en lui désignant de l'œil un des gros arbres du boulevard dont plusieurs fortes branches surplombaient de beaucoup le mur du jardin. « Oh, sans plume, il faut voir en attendant l'heure comment nous pourrons gréer la chose. »« Capitaine, il fait encore un brin de crépuscule et puis j'aperçois là-bas un homme qui vient par ici. Alors attendons. Cache d'abord ton sac derrière ce tronc d'arbre. Tu n'as rien oublié ?»« Non, capitaine, tout mon gréement est là-dedans. Allons, viens, marchons. » « Cet homme approche. Il ne faut pas avoir l'air de rester en panne devant ces murailles. »« C'est ça, mon capitaine. Courons déborder pour le désorienter. » Et les deux marins commencèrent, ainsi que l'avait dit sans plume dans son langage pittoresque, à courir une bordée dans la contre-allée, après que le matelot eut repris, pour plus de prudence, le sac qu'il avait d'abord caché entre un des gros arbres du boulevard et la muraille. « Sans plume, » dit le jeune homme tout en marchant. « Tu reconnaîtras bien l'endroit où le fiacre nous attend. »« Oui, capitaine. »« Mais dites donc, capitaine. »« Quoi ?»« Cet homme a l'air de nous suivre. »« Bon. »« Et de nous espionner. »« Allons, sans plume, tu es fou. »« Capitaine, mettons le cap à bâbord et vous allez voir. »« Soit, » dit le capitaine. Et suivi de son matelot, il quitta la contre-allée droite du boulevard, traversa la chaussée et prit la contre-allée gauche. « Eh bien, capitaine, » dit à demi-voix sans plume, « Vous voyez, ce lascar navigue dans nos eaux. »« C'est vrai, nous sommes suivis. »« Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, » dit sans plume avec une nuance de fatuité, en cachant à demi sa bouche du revers de sa main, afin de lancer au loin le surcroît de suc salivaire produit par la mastication de son énorme chic. Un soir, au Sénégal, à Gorée, j'étais suivi pendant une lieue, Beaupré sur poupe, capitaine, arrivé dans un plan de canne à sucre, j'ai... « Diable, cet homme décidément nous suit !» dit le capitaine en interrompant les indiscrètes confidences de son matelot. « Cela m'inquiète. »« capitaine, voulez-vous que je mette mon sac à bas et que je lui flanque du tabac à ce lascar pour lui apprendre à nous louvoyer malgré nous ? Beau moyen, tiens-toi tranquille et suis-moi. » Le capitaine et son matelot, traversant alors de nouveau la chaussée, regagnèrent la contre-allée de droite. « Voyez-vous, capitaine, dit Sans-Plume, il navirait de bord comme nous. Laisse faire, et marquons le pas. » L'homme qui suivait les deux marins, grand et solide gaillard, en blouse bleue et en casquette, les dépassa alors quelque peu, puis s'arrêta et se mit à contempler les étoiles, car la nuit était tout à fait venue. Le capitaine, après quelques mots dits à voix basse à son matelot, qui resta derrière lui à demi caché par le tronc de l'un des gros arbres du boulevard, s'avança seul à l'encontre du fâcheux observateur et lui dit « Camarade, il fait beau ce soir, très beau. Vous attendez quelqu'un ici ?»« Oui, moi aussi. »« Ah, camarade, en avez-vous encore pour longtemps, vous ?»« Pour 3 heures au moins. »« Camarade, reprit le capitaine après un moment de silence, voulez-vous gagner le double de ce qu'on vous donne pour me suivre et m'espionner ?»« Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne vous suis pas, monsieur, je ne vous espionne pas. » « Si, non. Finissons. Je vous donne ce que vous voudrez pour que vous passiez votre chemin. Tenez, j'ai de l'or dans ma poche. » Et le capitaine, faisant tinter l'or dont le gousset de son gilet était rempli, ajouta « J'ai là 25 ou 30 louis. »« Hein ?» dit le fâcheux d'un air singulièrement affriandé. « 25 ou 30 louis ?» À ce moment, une horloge lointaine sonna la demie de 7 heures. Presque au même instant, un cri guttural ressemblant à un appel ou un signal se fit entendre dans la direction qu'avait d'abord suivi l'homme en blouse pour rejoindre les deux marins. L'espion fit un mouvement, comme s'il eût compris la signification de ce cri, et parut un instant indécis. « 7 heures et demie, se dit le capitaine, ce Grindelin n'est pas seul. » Cette réflexion faite, il toussa. À peine le capitaine avait-il toussé que l'espion se sentit vigoureusement saisi aux chevilles par quelqu'un qui s'était brusquement jeté contre ses jambes et tomba à la renverse. Mais en tombant, il eut le temps de crier d'une voix sonore « Alerte, Jean ! Cours !» Il ne put achever. Sans-Plume, après l'avoir jeté bas, s'était assis sans façon et pesait de tout son poids sur la poitrine de l'espion et, le tenant rudement à la gorge, l'empêchait de parler. « Diable, ne l'étrangle pas trop !» dit le capitaine, qui, agenouillé, garrottait solidement au moyen de son foulard les deux jambes du curieux indiscret. Le sac, capitaine, dit Sans-Plume, tenant toujours l'espion à la gorge, le sac, il est assez grand pour lui envelopper la tête et les bras. Nous le lui secrons ferme autour des reins, et il ne bougera pas plus qu'un rouleau de vieille voile. Aussitôt dit, aussitôt fait, en quelques secondes, le curieux, encocluchonné dans le sac jusqu'à mi-corps, ayant les jambes attachées, se trouva hors d'état de faire un mouvement. Sans-Plume eut la courtoisie de pousser sa victime dans un de ces larges fossés verdoyants qui séparent les arbres, et l'on n'entendit plus de ce côté qu'une suite peu interrompue de beuglements étouffés. L'alerte va être donnée au couvent. 7 heures et demie sont sonnées, dit le capitaine à son matelot. Il faut tout risquer ou tout est perdu. En 2 temps, 3 mouvements, la chose est parée, capitaine, répondit Sans-Plume en courant, ainsi que son compagnon, vers les grands arbres qui surplombaient la muraille près de laquelle il s'était d'abord arrêté.